Audiomatique. C'est avec la défunte formation britannique Cocteau Twins qu'était lancée la transmission 255 d'Audiomatique. Nous entendions la pièce-titre de son cinquième album, Blue Bell Knoll, paru en 1988. Les sonoristes savent que les sons musicaux sont plus agréables que les uniques sons vocaux, et c'est pourquoi nous nous efforçons de laisser le plus d'espace possible à la musique. Más libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Dame. Bye. l'annonce, c'est aujourd'hui, premier jour du reste dans ta vie. Ta ligne à l'air de tourner, c'est prélevé l'âge. C'est aujourd'hui que l'élève dépasse le maître. Désolé de te dire, mais on a qu'une seule vie à vivre. Le projet M-Rocks nous offrait son remix de la pièce Mofletes, originalement composée par le projet Barda. Cette version remixée se retrouve en complément de 5 pièces originales sur le plus récent album de Barda intitulé Lembrensa. Avant cela, nous entendions la musique du projet québécois Millimétrique mené par l'artiste Pascal Asselin. La pièce que nous entendions, Peninsula Mist One, on pouvait entendre sur cette pièce donc la prose de l'artiste québécois d'origine tunisienne King Abid, et elle apparaît sur l'album Fog Dreams de Millimétrique, sorti en 2016. Et on amorçait la séquence avec la formation portoricaine Calle 13 et sa pièce La Vuelta al Mundo, tirée de l'album Entren los que quieran, sorti en 2010. Audiomatique avec les sonoristes se poursuit cette fois avec le groupe californien No Age. We'll be right back. Audiomatique, nous avions droit à la musique du duo écossais Boards of Canada et sa composition Julie and Candy de son deuxième album studio GeoGaddy, lancé en 2002. Et en début de bloc, le groupe américain No Age nous présentait sa pièce Errand Boy de leur premier album Nouns, sorti en 2008. À Audiomatique, poursuivons avec une pièce de l'artiste Peter Gabriel. Oh, Pongo una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua. Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga. Su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lando, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Lando. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lando, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Lando. María Lando solo trabaja, María solo trabaja. À Audiomatic, nous venons d'entendre la chanteuse afro-péruvienne Susana Baca et une de ses pièces phares, soit Maria Lando, parue originalement sur son premier album intitulé Poesia y Canto Negro, sorti en 1987. Il est également possible de trouver cette pièce, entre autres sur la compilation El Alma del Perú Negro, qui regroupe des pièces pigées dans la culture musicale afro-péruvienne. Et avant Susana Baca, nous écoutions la pièce Only Us de Peter Gabriel, pièce apparaissant sur son album Us, sorti en 1992. Pour assurer la continuité à Audiomatic, nous vous proposons la chanteuse américaine Santee White, mieux connue sous le pseudonyme de Santee Gold. This is a journey into sound. This is a journey. journey into sound, our town. Il s'agissait à Audiomatique du groupe américain Executioners avec la pièce Journey into Sound, sur laquelle on peut entendre Kenny Muhammad, connu en tant que The Human Orchestra. On peut retrouver cette pièce sur le deuxième album de Executioners intitulé Built from Scratch et paru en 2002. Et pour amorcer ce segment musical, Santi Gold nous a interprété la chanson Fame de son deuxième album Master of My Make Believe, sorti en 2012. Pour mettre un terme à cette transmission 255 d'Audiomatique, nous avons choisi de faire jouer le groupe américain Interpol et leur chanson Not Even Jail de leur deuxième album Antics, qui est paru en 2004. Les sonoristes vous invitent à la transmission 256 d'Audiomatique qui sera diffusée mercredi prochain dès 17h en direct sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Entre-temps, n'hésitez pas à visiter nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou pour accéder à nos archives. Voici Interpol et la chanson Not Even Jail. C'était Audiomatique avec les sonoristes.